la précorde. On écrit pour soulager, ouais. Au fur et à mesure que le temps passe, on fait ce qu'il faut pour que l'ennui succombe. Donc je comble avec de grandes phrases, l'usure laissera de grandes traces. Va dire qu'il faut profiter à celui qui prend la vie comme un fantasme. Gouze, je relève le nez pour voir la tasse. Tu m'as tendu la main, mais je me suis relevé pour voir la tasse. Et la base ronde comme une nuit d'orage. Et là je prends de large, grosse bombe de barge pour que la peine je prenne de l'âge. En constant sabotage, ma peine brûle des pages. Et ce poids d'enclume voit ma plume m'en décharge. J'ai pris le son comme point d'ancrage, comme beaucoup d'autres ma route à terre. Je l'ai aggravé, gravier, dérapage. Retiens que mes songes avanceront sans formatage. Et pour sortir de ma cage, le foie éponge une quarantaine de pourcentages. Encore une sale histoire, griffonné, tiré de ma case. Une sale histoire où l'acteur a déjà plié bagage. J'avais besoin de sortir les mots, quitte à les sortir dans le désordre. Représenter les nôtres, étarter ceux qui donnent des ordres. Fout un coup de pompe dans sa routine, gros. Vas-y, plante les gros, rien n'est stable, donc n'oublie pas ton plan de tégo. J'avais besoin de sortir les mots, quitte à les sortir dans le désordre. Représenter les nôtres, étarter ceux qui donnent des ordres. Fout un coup de pompe dans sa routine, gros. Vas-y, plante les gros, rien n'est stable, donc n'oublie pas ton plan de tégo. Et quoi que t'en penses, on fonce. Même si les choix qu'on fait sont pas sans faille, on gratte, on taffe. Et ça en revient à jamais parler de maille. Artisan et sans débit de l'usine. J'argumente, j'aiguise ma mine, j'évrappe mes bagues énigmatiques. La rime s'active dans la witch calcine. Tu veux des classiques, viens, je t'en cite. Hip hop depuis l'époque des femmes sans string. J'suis moi-même, j'cultive pas un style. Les fogages, les comptes par mille, autant que les petites qu'elles racontent à mine. Potos, c'est cool si tu savoures la vie. Moi, j'vise plus loin comme Al-Samoud, ça tape à l'œil comme Salvatore Dali. Rattrape la vite si ta mise vacille. La solitude, c'est un truc casse-couille. Crois pas ma rime, les soirs où j'casse tout. Ni marine à l'occasion, ma petite start-up met des claques partout. Ça met des claques, hein. Ah ouais, frollo, on n'est pas venu vendre des cravates, mon gars. Si. J'avais besoin de sortir les mots, quitte à les sortir dans le désordre. Représenter les nôtres, étarter ceux qui donnent des ordres. Fout un coup de pompe dans sa routine, gros. Vas-y, plante les gros, rien n'est stable, donc n'oublie pas ton plan de tégo. J'avais besoin de sortir les mots, quitte à les sortir dans le désordre. Représenter les nôtres, étarter ceux qui donnent des ordres. Fout un coup de pompe dans sa routine, gros. Vas-y, plante les gros, rien n'est stable, donc n'oublie pas ton plan de tégo. J'suis tellement bloqué dans ma tête que je vais finir par être claustro avec mon gros. On check le mic, on a le syndrome, on compose trop. On s'attire dans des crevasses, t'as bien vu qu'on trébuche tôt. Trop de lutte contre trop de flûte, donc c'est la save qu'on épluche tôt. Oh, ramène ta brute, je remets la dose qui équivaut à souffler dans ta pure, à me demander qui équivaut. La chance, la poisse, mais dis-moi qui est-ce qui blotte. C'est le médoc, que tu mal parles mal, te parles ce qu'il faut, ce qu'il faut. Tu vas pas croire qu'on se lasse de vivre, pas à pas, on arme le tir, les packs de tease démolissent. On lit pas l'avenir dans une flaque de pisse. Les fois où je ris, les grandes fratries, c'est sur ma feuille, je crois que mon sang l'imbibe. Je défends ma mif, ma clique, ma cite, ma weed et mes sales tripes d'équipe. Ma vie, je la kiffe, même si pour ça, faut que je bride mes vis. La vie d'artiste, c'est dans le canapé, Zepo, avec un pack de rire. J'avais besoin de sortir les mots, quitte à les sortir dans le désordre. Représenter les nôtres, étarter ceux qui donnent des ordres. Fout un coup de pompe dans sa routine, gros. Vas-y, plante les gros, rien n'est stable, donc n'oublie pas ton plan de tégo. J'avais besoin de sortir les mots, quitte à les sortir dans le désordre. Représenter les nôtres, étarter ceux qui donnent des ordres. Fout un coup de pompe dans sa routine, gros. Vas-y, plante les gros, rien n'est stable, donc n'oublie pas ton plan de tégo.